le kilo. C'est aujourd'hui que démarre la 26e conférence générale des poids et mesures à Sèvres. Elle doit durer jusqu'à la fin de la semaine pour redéfinir les étalons de 4 des 7 unités de base. Le kilo donc, mais aussi le kelvin, l'ampère et la mole. L'objectif est évidemment de gagner en précision, mais surtout de remplacer les anciens étalons par des constantes physiques universelles. Si à l'issue de cette semaine, un kilo pèsera toujours un kilo, il le pèsera avec beaucoup plus de rigueur scientifique. Ce changement de standard apparemment anodin n'est en fait rien moins qu'une révolution théologique dans le domaine des sciences. Système d'unité, une réforme sur mesure, c'est le programme que nous allons tenter de préciser dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à ce système de mesure internationale, à son histoire et à cette révolution théologique, alors je vous dis tout de suite que l'expression n'est pas de moi, mais on y reviendra dans quelques secondes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Estefania de Mirandez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire exécutive du comité consultatif des unités du Bureau international des poids et mesures, qui se réunit donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine. Bonjour également à vous, Nadine de Courtenay. Bonjour. Vous êtes philosophe des sciences, maître de conférence à l'Université Paris-Diderot, membre du laboratoire Sphère pour sciences, philosophie et histoire. Et c'est aussi notre émission mensuelle, notre rendez-vous mensuel en partenariat avec Sciences et Avenir qui consacre un dossier à la question dans son numéro du mois de novembre. Chaque mois, je vous le rappelle, si vous tombez pour la première fois sur ces grandes émissions transversales, nous traitons un sujet scientifique qui se décline sur les ondes, sur le papier, sur nos sites respectifs et sur nos réseaux sociaux, donc @laméthodefc pour la méthode scientifique. Et puis pour le Twitter de la méthode scientifique et puis Sciences et Avenir également sur Twitter. Bonjour Franck Daninos. Bonjour. C'est vous qui avez coordonné ce dossier sur la métrologie pour Sciences et Avenir. Vous allez m'accompagner dans cette émission tout au long de cette heure. Et alors pour commencer, je le disais dans cette introduction, la nouvelle définition du kilo est une révolution théologique. C'est un papier qui est sorti aujourd'hui dans Le Monde, une interview de Simone Schaeffer qui est professeure d'histoire des sciences à Cambridge. C'est vraiment, ça vous évoque quelque chose cette révolution théologique dans le domaine des sciences? C'est un peu oxymorique en quelque sorte de parler de révolution théologique, Estefania de Mirandez. Oui, je comprends très bien l'esprit. Essentiellement, ce qu'on prétend dire avec ça, c'est qu'on va changer de paradigme. C'est-à-dire que le système international, dans ses origines, avait des unités qui étaient basées dans l'homme. C'est-à-dire, on avait à l'origine, évidemment, avant d'être système international, le pied du roi ou le kilogramme, qui c'est toujours une mesure qu'on rapporte à l'homme, l'unité. Et maintenant, on va changer complètement de paradigme et on va définir les unités par rapport à des constantes fondamentales de la nature. Et dans ce sens-là, évidemment, on peut avoir ce genre d'adjectif, si vous voulez. Encore une fois, ça n'est pas le mien, mais je trouvais que c'était assez un clin d'œil, assez amusant pour débuter cette émission. Qu'est-ce que vous en pensez, Nadine de Courtenay, de cette expression? Oui, théologique, ça, c'est un terme religieux. Donc, effectivement, on va ancrer désormais nos unités dans la nature, mais peut-être que cela viendra un peu de façon plus précise dans le cours de l'émission. Il ne faut pas perdre de vue que ce sont néanmoins les hommes qui fixent notamment les valeurs de ces fameuses constantes fondamentales dont nous allons parler tout à l'heure, et que ce qui me semble intéressant de voir, c'est que effectivement on pourrait, comme l'a dit Estefania de Mirandez, parler d'un changement de paradigme, c'est un changement de paradigme, si vous voulez, qui nous fait passer du mode religieux à un mode laïque, démocratique en fait, et c'est une théologie démocratique, si on peut parler ainsi. Une laïcisation du système de mesure. Alors, on va en parler tout au long de cette heure, mais du coup, exceptionnellement, on va bouleverser un peu les habitudes de l'émission, parce que d'habitude, on place le reportage un peu dans le corps de l'émission, mais là, il s'avère que pour faire de l'histoire et pour raconter l'histoire de ce système de mesure, eh bien, quoi de mieux, finalement, que d'aller faire un tour au musée. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allé au musée des arts et métiers, où se déroule une exposition qui est intitulée « Sur mesure, les 7 unités du monde ». Oui, j'ai eu le privilège d'avoir pour guide Bruno Giacomi, qui est le commissaire de l'exposition et qui m'a fait faire un voyage dans le pays merveilleux des instruments de mesure. L'exposition sur mesure les 7 unités du monde, qui dure jusqu'au 5 mai 2019, elle propose une collection considérable de ces objets, parfois beaux, parfois drôles ou étonnants. Et c'est en voyageant dans cet espace-temps de la mesure que Bruno Giacomi nous explique pourquoi le rapport que l'on entretient avec les mesures en dit long sur l'évolution de nos sciences et de nos sociétés. Dans cette toute première partie où l'on mesure l'homme sous l'angle physique mais aussi sur ses aptitudes, on a emprunté là quelques objets qui sont assez représentatifs. Je pense à ce détecteur de mensonges ou de cet instrument. C'est un dynamomètre médical, c'est un objet, un instrument de mesure, mais en fait qui a une histoire très particulière puisqu'en fait il était utilisé par un couple d'un médecin et d'une autre personne pour aller recruter en Afrique du Nord, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les personnes qui pourraient venir comme mineurs dans le bassin houiller de Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'on va mesurer leur force, mais que l'usage de cet objet est un usage social. Donc ça, c'est l'un des premiers messages de l'exposition, c'est-à-dire que la mesure a un rôle dans notre société qui est un rôle essentiel. Alors, ici, il y a des objets que je trouve très intéressants parce qu'ils sont représentatifs d'une question qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde, c'est le fait que beaucoup de mesures ne sont pas des mesures directes. Mesurer une altitude, une température, ça ne peut pas se faire directement. Par exemple, ici, on a un altimètre. Un altimètre qui permet de mesurer l'altitude en avion jusqu'à 4000 mètres. Mais, alors donc il a des années 20 celui-ci, en fait on ne peut pas sonder avec un instrument de mesure de distance. Donc on va mesurer la pression atmosphérique à ces différentes hauteurs. Et c'est la pression atmosphérique qui va nous donner l'altitude. Donc on passe par des moyens dérivés. Comme à côté on a un hygromètre de Saussure qui lui permet de mesurer l'humidité de l'air, mais on va le mesurer en voyant l'allongement d'un cheveu qui va effectivement s'allonger en fonction du degré d'humidité de l'air. Alors, je suis là, on passe à travers une salle. Alors là, c'est un grand ensemble d'instruments qui sont en fait des mesures de capacité. Et on voulait montrer cette variété parce qu'en fait, on se dit, mais comment peut-on échanger entre pays différents si chacun a ses propres unités, son propre mode de calcul, d'élaboration? Donc ça, c'est la grande difficulté, si on veut illustrer avec cette variété. Et sitôt après, on tombe sur un tout petit espace avec simplement la représentation du diapason, ceci pour dire, on est en face de la métaphore de l'unité de mesure, c'est-à-dire l'orchestre ne peut jouer en harmonie que si tout le monde se donne le même « la ». Et donc, le « la » en métrologie, c'est une définition d'une unité de base valable de par le monde. Alors, après cette démarche un peu initiatique en différentes étapes, on arrive à ce qui est un peu le cœur de cette révolution métrologique de 2018, qui est la redéfinition des unités de base, donc les quatre unités de base qui sont à notre droite, mol, kilogramme, ampère et kelvin, et à notre gauche, les trois unités qui ne changeront pas de définition, la candela, la seconde et le mètre. Donc voilà, on est au cœur du cœur, c'est-à-dire que tout nous est ramené à ces sept unités de base qui, elles-mêmes, à partir de maintenant, vont être définies par rapport à des constantes de l'univers, donc vont être complètement dématérialisées. Nous voici devant l'anémomètre enregistreur de Pajot d'Onsembray, donc de 1753, qui est le plus ancien instrument dans cette exposition, qui est tout à fait remarquable, je trouve, parce qu'en fait, il nous met devant une innovation remarquable dans la mesure, qui est le fait de pouvoir enregistrer les résultats. C'est capital, notamment dans le domaine de la météorologie. Donc on va enregistrer sur des rubans de papier recouverts de noir de fumée, et on va pouvoir ensuite analyser a posteriori cela. Autre objet qui est absolument remarquable, qui est aussi un instrument enregistreur, mais c'est le prédicteur de marée de Lord Kelvin. Kelvin, d'abord, c'était un ingénieur et un savant extraordinaire, et il a laissé son nom notamment à cet instrument qui est une machine à calculer la variation des marées. C'est-à-dire que c'est un calculateur analogique qui va déduire d'un certain nombre d'harmoniques la courbe finale. Et ce que l'on voit sur le papier là, finalement, c'est la variation de la hauteur de l'eau qui va se produire dans l'année qui vient par rapport aux données qui ont été mesurées lors de l'année passée. Donc c'est un instrument qui montre aussi l'usage d'anticipation qu'a la mesure. Alors L'exposition se termine en fait avec la mesure de la société, avec la machine à statistique de Hermann Olrit, dont il y a très peu d'exemplaires. Et celui-ci, en fait, c'est un exemplaire qui a été présenté à l'exposition universelle de 1889. C'était un instrument qui avait une innovation remarquable, puisqu'il permettait de faire des statistiques en partant de cartes perforées. Donc c'est la première machine à cartes perforées servant à mesurer tout, finalement. Celle-ci, la carte perforée que vous voyez ici, elle était utilisée avant d'être utilisée pour le recensement des États-Unis 1890, la grande aventure. Il a été utilisé, celui-ci, par le service de santé des armées. Et il servait à voir la variation de l'ensemble, je dirais, de la santé des soldats des États-Unis, mois par mois, chaque soldat ayant sa carte perforée dans laquelle on trouvait son âge, quelle maladie il avait, quelle était aussi sa région d'origine, tout un tas de données individuelles qui étaient ensuite stockées et utilisées pour des données statistiques. Ça permet aussi une accélération dans la gestion de toutes ces données chiffrées qui constituent notre société. Oui, tout à fait. Et puis, qui nous évoque aussi le fait de collecter des données privées, utilisées, je dirais, sur un plan statistique, mais qui sont, on le sait bien aujourd'hui, utilisées au niveau individuel, pour vous proposer des produits adaptés à ce que vous cherchez. C'est un peu de cette manière qu'on veut boucler ce discours qui a commencé avec les mesures de l'homme et qui se termine finalement avec le big data, la mesure de la société telle qu'il est aujourd'hui. Voilà une visite sonore de cette exposition sur mesure, les 7 unités du monde que vous pouvez aller visiter jusqu'au 5 mai au Musée des Arts et Métiers. Mais maintenant, nous allons nous concentrer sur 4 unités de mesure particulières qui vont être redéfinies d'ici la fin de la semaine. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et voilà, et pour parler donc de ces unités de mesure, de leur nouvelle définition, de cette révolution, de ce bouleversement paradigmatique qu'on évoquait en tout début de cette émission, Estefania de Mirandes, qui est avec nous, secrétaire exécutive du comité consultatif des unités du Bureau international des poids et mesures, Nadine de Courtenay, qui est philosophe des sciences, maître de conférence à l'Université Paris Diderot, et mon camarade Franck Daninos de Sciences et Avenir, qui va mener cet entretien à mes côtés. Et bien peut-être qu'on peut commencer, Estefania de Mirandes, par cette histoire du système métrique, par l'apparition de cette norme, de cette métrologie qui est intimement liée à l'histoire de la France et à l'histoire de la Révolution. Oui, effectivement, parce que le système international d'unités qu'on connaît aujourd'hui, qui est quand même le système d'unités le plus utilisé au monde, a été en fait officiellement adopté en 1960. Et à l'époque, il y avait 6 unités de base, donc le mètre, kilogramme, seconde, ampère et le kelvin. Et la 7e unité, donc la mole, a été introduite en 1971. Donc, évidemment, ça a l'air très, très récent, mais le système international s'appuie et l'héritier du système métrique décimal. Et donc, ce système métrique décimal, comme vous mentionnez, donc, il est né en France à la fin du XVIIIe siècle. Et ça a été une révolution à l'époque, parce qu'auparavant, donc, chaque région, chaque endroit possédait son propre système de mesure. Donc, on avait, par exemple, donc, pour les longueurs, il y avait les perches, les palmes, les cannes, les toises. Et en plus, chaque unité avait même des différentes valeurs en fonction du lieu de l'époque. Ce qui, était très compliqué pour les gens, et donc le peuple, à un certain moment, donc demandait qu'il n'y ait plus de poids et de mesure, parce que le consommateur donc, était souvent trompé, et c'était très compliqué de faire des calculs pour convertir des unités en d'autres unités. Et donc, à cause de ça, donc, Talleyrand propose en 1799 à l'Assemblée nationale de faire un mémoire, parce qu'il considérait que c'était nécessaire de rendre uniforme toutes les mesures qu'il y avait dans le royaume. Et donc, c'était donc les savants de l'Académie française, donc parmi lesquels Bourdat, Condorcet, Laplace, Lagrange, Monge, qui ont décidé que pour avoir des unités stables, il fallait se relier à la nature. Donc là, on voit déjà cette idée, disons, de laquelle aujourd'hui, cette semaine, on aura la culmination dans le système international, l'idée de relier les unités de la mesure justement à la nature. À ce qui est considéré comme étant finalement une façon d'objectiviser ces mesures. Exactement. Et donc de ne plus les relativiser. Surtout parce qu'on estimait à ce moment-là que c'était ce qu'on avait de plus constant, la nature. Et donc justement, ces chercheurs, ces savants de l'Académie ont décidé de définir le mètre à l'époque comme la 10 000 000e partie du quart du méridien terrestre, en supposant que la Terre, que le méridien terrestre, avait une longueur plutôt constante dans le temps. Et donc la mesure de ce méridien a été un périple à l'époque. Et donc à la fin de Dunkerque à Lisbonne, hein, c'est à Barcelone. De Méchain et de Lambre. Et oui. Voilà, et donc ils ont défini le mètre en fonction de ça, et l'unité de masse, le grave, a été définie justement comme la masse d'un décimètre cube d'eau distillée. Donc ils ont défini la masse à partir de la définition du mètre. Et donc ils ont fabriqué des étalons du mètre et du kilogramme du grave à l'époque, et ils les ont déposés, donc c'était des étalons en platine, donc des artefacts, qui, donc une barre en platine qui faisait un mètre, et un cylindre de platine qui faisait un kilogramme, un grave à l'époque, ils les ont déposés dans les archives nationaux en France, et donc ça, c'est l'acte fondateur du système métrique, qui à ce moment-là est uniquement français. Après viendra l'internationalisation de ce système métrique avec la convention du mètre, où là, disons, ce sera international. Mmh. Ça a pris beaucoup de temps, d'ailleurs. News, oui. Je crois que ça ne s'est pas fait. Il y a eu des allers-retours. Ça a pris plusieurs décennies avant de s'installer, ne serait-ce même qu'en France, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Et l'usage du système métrique décimal en France devient obligatoire en 1840. Oui, et je pourrais renchérir sur ce que vient de dire Estefania de Mirandès sur cette histoire en pointant des aspects politiques, en fait, et sociaux, puisqu'elle a parlé de la liaison avec la nature, donc qui semble objectiver les choses comme vous l'avez dit. Mais il faut bien se mettre en tête que ce passage au système métrique ne se réduit pas à une simple conversion, hein, des anciennes unités en de nouvelles unités. Déjà, pour commencer, on pourrait se demander pourquoi ça s'est passé en France. En France, déjà, la diversité des systèmes de mesure est aussi déjà liée à des aspects politiques. C'est la monarchie française, hein, qui, pour restreindre les droits politiques des seigneurs, leur a maintenu leurs privilèges matériels, si bien que chacun pouvait avoir des étalons régionaux, hein, donnant naissance à cette prolifération. On parle de plus de 700 unités de mesure, hein, voilà, avant l'unification des symétriques. Et donc c'est lié à ce régime quasi féodal, hein, avec un pouvoir moindre sur le plan politique de tous ces seigneurs. Donc ce système diversifié allait de pair aussi avec une économie artisanale de proximité qui dépendait des rapports sociaux. Qui correspondait à tout un mode de vie, à des échanges locaux qui protégeaient les économies locales de la compétition, donc toute une forme de vie. Hein, et effectivement, comme l'a dit Estefania de Mirandès, le tiers état a réclamé l'uniformisation des mesures pour garantir davantage de justice dans les échanges, mais ils étaient bien loin d'imaginer le système métrique qu'elle a décrit. Parce que c'est vraiment ce système métrique et la production de la Révolution française qui a créé une situation absolument sans précédent, qui n'a existé dans aucun autre pays, puisqu'elle a balayé tous les privilèges, elle a fait table rase des anciennes unités et elle a cédé aux savants, à la science, le soin de réaliser ces unités. Et les savants ont fait quelque chose de totalement différent. Ils ne se sont pas contentés de dire, tiens, telle barre va être maintenant notre nouvel étalon de longueur, par exemple, hein, par une convention. Ils ont voulu donc donner de l'universalité, hein, à ces mesures. Mais alors, je termine sur un point. Prenez votre temps, on a encore plein de temps, n'hésitez pas. Non, parce que je voulais juste montrer que cela avait considérablement changé les choses du point de vue des formes de vie sociales, puisque l'idée, hein, les savants, hein, ont essayé de répondre à certaines exigences, d'une part évidemment pour faciliter les aspects administratifs, harmoniser les taxations, etc. Aussi sur le plan économique, hein, faciliter les échanges entre les régions, pour que chacun ait les mêmes mesures, donc les mêmes unités, et donc puisse commercer. Limiter la fraude, limiter... Oui, mais aussi passer à une économie de libre-échange. Et c'est ça le point, hein, c'est que le système économique, à ce moment-là, n'est plus fondé comme autrefois sur la valeur et des aspects anthropomorphiques, hein, mais est fondé maintenant sur la productivité, hein, et sur des mesures de quantité qui sont séparées des valeurs humaines. C'est donc vraiment la porte d'entrée dans la modernité, en quelque sorte. Tout à fait, avec ses pour et ses contre. Franck Dalinos. Les savants, après la Révolution française, donc à l'Académie des sciences, est-ce qu'ils ont travaillé seulement entre eux en France, ou est-ce qu'il y avait des collaborations, des échanges avec d'autres savants étrangers pour mettre en place ce nouveau système métrique? Qui veut répondre? Je peux répondre. Bon, vous connaissez Nicolas Martin l'a déjà évoqué, cette grande saga de l'ambre et méchin pour mesurer le méridien terrestre. Là, c'est vraiment une entreprise française. Donc, ils sont mandatés par l'Académie des sciences et par l'Assemblée pour faire ce travail. Et là, c'est français. Hein. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut peut-être pas que nous nous étendions trop longtemps, mais la question du choix de ce méridien qui passe en France, hein, mais qui a prétention tout de même à proposer une nouvelle unité pour le monde, hein, à tous les temps, à tous les peuples, n'est pas passée sans heurts. Mais néanmoins, c'est une entreprise française. Mais à l'issue donc de cette expédition, ils sont revenus avec leurs mesures, et à ce moment-là, ils ont convié à Paris un ensemble de savants des autres pays, hollandais, espagnols, italiens, etc., pour faire les calculs, parce que c'était pas le tout d'avoir les mesures. Il fallait, c'était des mesures extrêmement de triangulation, hein, effectivement. Et donc après, il fallait faire les calculs pour ramener toutes ces triangulations, bien à la distance et à la longueur du méridien, et ensuite faire les calculs pour déterminer la longueur, si j'ose dire, du mètre. Et donc, tous les pays, différents pays ont contribué à ces calculs. Et donc ça, c'est pour les prémices, hein, le début justement de l'apparition de ce qu'on va appeler la métronomie, la métrologie, pardon, excusez-moi, mais la métronomie, c'est autre chose, le temps, on va pas commencer à s'embrouiller les pinceaux. Et puis petit à petit, l'instauration, vous l'avez dit, hein, Estefania Mirandès, de ce système métrique international, ça prend du temps. Le Bureau international des poids et mesures va naître quasiment un siècle après, en 1875 seulement. Exactement, donc en 1875, donc c'est la date qui marque la signature de la Convention du Mètre, qui est un traité diplomatique qui est encore aujourd'hui en vigueur. À l'époque, a été signé par 17 pays. Aujourd'hui, nous en avons 60 qui sont signataires et une quarantaine qui sont des associés. Et donc, c'est là justement que ce système métrique devient international. Et donc, on fabrique un prototype du mètre, imitant celui-là des archives, et un prototype du kilogramme, imitant encore là celui-là des archives, cette fois-ci en platine iridiée, et on les garde au BIPM. Le BIPM est créé par la Convention du Mètre, justement, qui est le Bureau international des poids et mesures. La réunion ne se tient pas à Sèvres, se tient à Versailles, on va dire, et donc c'est une réunion de la Conférence générale des poids et mesures. Donc il y a une structure pyramidale assez un peu compliquée. Donc il y a d'abord la Convention du Mètre, évidemment, qui est le traité diplomatique qui fixe tout. Et après, nous avons juste au-dessus la Conférence générale des poids et mesures, qui, c'est une conférence justement qui se réunit typiquement à Paris ou proche de Paris tous les 4 ans, où il y a les délégués de tous les États membres. Et donc c'est cette conférence qui prend toutes les décisions concernant le système international. Mais cette conférence, bien évidemment, c'est un organisme diplomatique, donc c'est simplement une prise, un acte, une décision. Mais derrière, évidemment, il y a tout un travail, encore là, international, par essentiellement des chercheurs du monde entier. Et ces chercheurs s'organisent dans des comités, donc c'est des comités consultatifs que nous hébergeons au BIPM. Donc nous avons des comités consultatifs pour la masse, pour le temps, pour la chimie, pour les unités. Et ce comité consultatif conseille encore un autre organisme qui s'appelle le CIPM, un comité international des poids et mesures, qui est un groupe de 17 personnes qui sont choisies par cette grande conférence générale pour vraiment gérer les affaires. Et ce sont ces 17 personnes, donc il est conseillé par tous ces comités, quand il considère qu'une réforme est appropriée et qu'elle est consensuée, parce que quelque chose qui est quand même assez remarquable, en tout cas je le pense, c'est que toutes ces réformes-là se font par consensus. Donc vous devez imaginer la quantité d'années, la quantité de discussions qu'il y a derrière la moindre proposition. Et de façon admirable, on arrive, après tous ces échanges, à trouver un consensus qui convienne à peu près à tout le monde. Et quand cela arrive, alors là, on va le présenter à la conférence générale. Donc les chances que cette conférence générale approuve sont très très fortes. Et c'est ce qui va se passer cette semaine. C'est ce qui va se passer donc vendredi. Ça va se passer vendredi. Et vous pouvez suivre en direct même la votation. Donc c'est ouvert à tout le monde. On peut le suivre par internet sur la page du BIPM. Vous pouvez trouver les renseignements. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Franck Dalinos, vous vouliez... Oui, donc d'ailleurs le BIPM se situe donc à Sèvres dans un territoire qui a un statut très particulier. C'est lors de la convention du maître signée en 1875. Donc c'est la France qui a cédé en quelque sorte ce territoire. Quel est le statut de... C'est un statut de territoire international. Ça veut dire que on peut pas dire qu'on est en France quand on est au BIPM. Donc les lois de la France ne s'appliquent pas au BIPM. D'accord. Ça serait ça, exactement. Néanmoins, on voit bien que la France joue toujours un rôle absolument central dans la métrologie internationale, avec toutes ces réunions qui se tiennent à Paris ou à côté. La conférence générale des poids et mesures sera d'ailleurs présidée par le président de l'Académie des sciences. Je crois qu'une bonne partie aussi des documents pour tous ces organismes doivent être rédigés en français, en anglais. Oui. Enfin, donc là, l'empreinte de la France et tout le passé que vous avez rappelé donc est encore bien présent dans la métrologie internationale. Oui, encore bien présent, mais quand même, c'est une aventure, j'aurais tendance à dire, internationale. Et alors, pour poursuivre un peu sur cette histoire qui conduit, vous l'avez dit, à l'instauration du système international d'unité en 1960, lors de la 11e conférence, comment se sont ajoutées au fur et à mesure, et moi je trouve ça intéressant justement en termes de convention, les unités, ce qui compose aujourd'hui la liste des 7 unités internationales, Estefania de Mirandes. Oui, donc comme vous l'avez bien rappelé, en 60 on avait déjà le système international, l'ampère, quand on n'en a pas parlé, en fait on a parlé uniquement de mètre kilogramme, il y a eu la seconde aussi, La seconde a été originalement définie comme la seconde par les astronomes, donc comme une fraction de jour solaire moyen. Donc la seconde a eu une évolution. Donc elle est arrivée assez vite dans le système, assez tôt. Exactement, elle est arrivée tout de suite. Et après, vous avez l'ampère qui est rentré en 1946 comme une unité de base. Et plus tard, vous avez eu le Kelvin et la candela, plus tard vers 54, et en 71, la mol. Et donc, toutes ces unités, en fait, sont rentrées pour des raisons pratiques. C'est-à-dire que l'OSI, le système international, est conçu pour le peuple, pour des raisons pratiques. Donc, on pourrait s'en passer de certaines unités, si vous voulez, d'un point de vue purement physique, théorique, mais on introduit des unités qui sont nécessaires pour les chercheurs. Donc, c'est le cas, par exemple, de la candela, de la mol. La candela qui mesure la luminosité. Exactement. Donc, pour les photométristes, pour comment nous percevons la lumière, plutôt que la lumière donne de la lumière elle-même. Et de la même façon, la mol, qui est une unité très très très utilisée par les chimistes. Donc ça, c'est l'esprit toujours au système international. Ça a été un système qui doit être utilisable par les chercheurs dans le jour au jour. Peut-être avant, on va arriver aux quatre unités qui vont être redéfinies cette semaine. Ce qui est intéressant, on peut peut-être dire quelques mots du mètre, parce que le mètre a été revu plusieurs fois déjà. C'est le premier à avoir perdu son étalon physique, si je ne dis pas de bêtises, Nadine de Courtenay. Oui, donc la redéfinition du mètre et la définition actuelle donc a eu lieu en 1983, si je ne me trompe, donc avec la distance parcourue par la lumière dans le vide, qui est aujourd'hui dans une certaine fraction de seconde. Voilà, dans une certaine fraction, alors 299 millions, etc. Enfin bon. Donc ça, c'est donc la définition actuelle et qui est le patron, hein, en quelque sorte, sur lequel toutes les définitions qui vont être redéfinitions qui vont être effectuées là dans quelques jours sont calquées. Hein. Mais auparavant, il y avait une définition en termes de longueur d'onde du krypton. Hein, et encore avant, et longueur d'une barre en platine iridiée, qui correspondait aux millionièmes du, voilà, qui avait été la réalisation, enfin qui avait été construite comme la réalisation du mètre dont on avait calculé en toise la longueur après les travaux de Delambre et Méchain. Sylvain voilà, Mirandès. C'est par rapport à ça exactement. Donc c'est un peu, disons, le rêve de Max Planck dans les années 1900, qui c'était construire un système d'unités basé dans des constantes universelles. Lui, à l'époque, avait voulu égranger la constante de Planck, C et la constante de Boltzmann. Et quelque part, comme vous avez bien rappelé, Nadine de Courtenay, la vitesse de la lumière, c'était la première, quelque part, qui a fait son entrée dans le système international, de le rêve de Planck, toujours avec cette idée de... Donc le système international, ça fait très longtemps qu'il cherche à se baser dans des constantes de la nature le plus fondamental possible. Et exactement, je pense que justement la vitesse de la lumière ouvre un chemin qu'après les autres ont essayé de suivre et que là, par exemple, le kilogramme, de façon emblématique, va suivre si tout se passe bien, donc ce vendredi. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ce système d'unité internationale, c'est un système interréférentiel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on obtient l'une des références, on peut en déduire les autres, on a besoin, plus ou moins, ça va être moins le cas avec les constantes universelles, mais en tout cas, c'est comme ça qu'a été pensé le système au départ. C'est-à-dire les unités de base que le système international a, donc le mètre, kilogramme, seconde, ampère, kelvin et mol, sont considérées comme indépendantes d'un point de vue dimensionnel. Et donc ça, ces unités, justement, c'est pour ça qu'on en a 7 de base. Et les dérivées sont construites à partir des unités de base. Dans ce sens-là, oui. Et donc, comme nous avons 7 unités de base, nous devons fixer 7 quantités. En ce cas-là, on va fixer 7 constantes. Ça, c'est l'idée. Donc, effectivement, après, si vous faites des combinaisons linéaires des constantes, vous pouvez retrouver les différentes unités. Mais les unités elles-mêmes sont considérées comme indépendantes d'un point de vue dimensionnel. Ça serait la... Même si dans l'avenir, il faut bien dire qu'une fois on aura fixé les 7 constantes, les 7 constantes n'impliquent pas nécessairement ces 7 unités de base. Uniquement en fixant les constantes, vous pouvez définir toutes les unités du SI, pas que celles de base. On va garder les unités de base pour des raisons historiques, parce qu'elles sont très utiles, très pratiques, mais strictement parlant, la réforme n'implique pas que certaines unités sont de base et d'autres dérivées. Toutes, disons, seraient au même niveau, sauf que nous, on va les garder pour des raisons, on va dire, historiques. Nadine de Courtenay, vous vouliez réagir justement à cette... Non, parce que Estefania de Mirandès a dit, je crois, tout ce qu'il fallait dire. Effectivement, de prime abord, on pourrait se dire que l'on a changé de grandeur de base, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la longueur, le temps, donc l'intensité, la température, l'intensité électrique, etc. Eh bien, on a désormais encore le temps, mais la vitesse, la charge électrique, l'action. Évidemment, ça n'est pas ça, comme elle vient de l'expliquer, qui va se passer, puisqu'on va garder néanmoins les anciennes unités, parce que sinon ce serait encore plus difficile de s'adapter au nouveau système que ça ne l'a été, comme Franck Daninos l'a dit tout à l'heure, que ça ne l'a été pour le système métrique lui-même. Donc l'idée, c'est de passer, en fait, et c'est l'un des aspects importants de cette réforme, qu'elle passe pratiquement sans qu'on s'en aperçoive. Bien sûr. The meter marks okay. The peak won't cross the line. The meter broke last time. My nerves got caught away. And I want my love fall. Cause I can bear the mass. No one can make it turn. And we've been used to that. Don't you die real soon, cause I've been counting on it since 10, but the meter mark's okay. No one can make it go, no one can stop the sway. Some days and then away, no thought but make you stay, and then you lied to me. change to make change. And I was not aware that I could fly, that I could let you away. When your hands, and so you slip away, you slip away. Peter Marks, okay. De Meteor Marks, OK, de Lonely Deer sur France Culture à 16h35, sur la méthode scientifique de Meteor, parce qu'on parle... Alors, on va pas parler tellement du maître, parce que le maître a déjà été redéfini par une constante il y a quelques années de cela, comme on l'a dit dans la première partie de cette émission, mais on va parler des quatre autres unités universelles qui vont être redéfinies cette semaine par le Bureau international des poids et des mesures. On en parle tout au long de cette heure, en partenariat avec Science et Avenir, puisque c'est notre grand dossier transverse du mois, et avec Franck Daninos, qui est ici, qui a coordonné le dossier Big Bang des unités de mesure dans le Science et Avenir de ce mois de novembre. Et nous en parlons avec Estefania de Mirandes, qui est secrétaire exécutive du comité consultatif des unités du Bureau international des poids et mesures, et Nadine de Courtenay, qui est philosophe des sciences, maître de conférence à l'Université Paris Diderot et membre du laboratoire Sphère. Alors, on a quatre unités à voir en une demi-heure, donc on va essayer de comprendre pas seulement pourquoi ces unités et comment ces unités vont changer, mais également ce que ça signifie de remplacer un étalon physique, en l'occurrence pour le kilo, puisqu'on va parler du kilo pour commencer, par une constante physique universelle. Peut-être Estefania de Mirandes, rappeler ou expliquer peut-être à nos auditeurs qu'est-ce que sont ces constantes physiques et pourquoi est-ce que elles nous permettent d'avoir une mesure de plus en plus précise, parce qu'il n'y a évidemment pas de mesure absolue de ces unités internationales. Oui, effectivement. Donc, les constantes fondamentales, ce sont des paramètres, des grandeurs, des paramètres qui apparaissent dans les équations de la physique. Et c'est des paramètres qui peuvent pas être, la valeur desquels peut pas être prédite par la propre théorie. Sinon, qu'il faut les mesurer. Et pas uniquement ça, c'est que on croit qu'ils sont constantes dans le temps et dans l'espace. Et nous croyons que ce sont si constantes qu'on peut même baser nos unités. Ce sont les grandeurs les plus constantes que nous sommes aujourd'hui capables de concevoir. Comme la vitesse de la lumière, par exemple. Exactement, typiquement l'exemple de la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, ça serait une vitesse constante, que c'est la même en France, en Chine, au Japon. Et donc, ça a l'avantage. Sur la Terre, sur Jupiter, ou sur Alpha du Centaure. D'être constante dans le temps et aussi dans l'espace. Donc, baser nos unités sur, par exemple, la vitesse de la lumière semble avoir tous les avantages. Parce que ça la rend accessible par tous les chercheurs du monde entier et constante. Et donc, comme la vitesse de la lumière, nous avons d'autres constantes de la nature, dimensionnelles. Nous avons deux types de constantes, dimensionnelles et adimensionnelles. Celles qui n'ont pas de dimension sont juste des nombres purs. Par exemple, typiquement, c'est la constante de structure fine. C'est un rapport entre constantes dimensionnelles. Le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, ça rentre dans une autre nature. Ah, bon. Ça n'a pas le caractère fondamental. On va pas aller trop vite. De structure fine. Mais essentiellement, celles qu'on va utiliser pour définir les unités sont des constantes dimensionnelles. Donc, qu'ils ont une dimension. Et donc, à ce point-là, si on fixe la valeur arbitrairement, on peut choisir la valeur de ces constantes, automatiquement, l'unité dans laquelle ces constantes sont exprimées reste définie. Donc, pour le cas de kilogrammes, si vous voulez. Franck Daniel, c'est une question d'abord. Oui, non, c'est vrai qu'il y a des spéculations assez anciennes qui remontent aux physiciens d'Irak sur une éventuelle variabilité des constantes. Il y a eu, dans les années 90, 2000, énormément d'efforts, d'expériences qui ont été déployées pour essayer de prouver une éventuelle variabilité de ces constantes dans l'espace ou dans le temps. Mais le fait est que jusqu'à présent, effectivement, on a pu aller de plus en plus loin dans l'exactitude, dans la précision, dans les tests. Mais bon, aucune expérience n'a jamais pu prouver donc cette variabilité. Et le fait est qu'aujourd'hui, donc ces constantes sont ce que la science connaît de plus intangible, de plus immuable. D'où l'idée, effectivement, de redéfinir donc les unités de mesure, donc sur ces grandeurs-là, pour avoir un système de métrologie qui soit stable dans le temps, valable partout pour tout le monde. Et on pourrait même dire que si on faisait une mesure finalement sur Terre avec ces unités-là. On obtiendrait peut-être la même chose que si on les faisait sur la Lune, sur Mars, dans une autre galaxie, il y a 1 million d'années. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est présumé extrêmement stable et pérenne dans le temps. Oui, et c'est très... Estefania Mirandes. C'est très intéressant de voir que pendant très longtemps, on avait des étalons matériels, des artefacts, et on essayait de comprendre les lois de la nature avec des unités basées dans des artefacts. Et aujourd'hui, on est arrivé au point qu'on connaît tellement bien, on croit connaître tellement bien les lois de la nature, qu'on va justement utiliser les lois de la nature, en particulier les constantes, pour définir nos unités. Et donc, c'est à partir de là qu'on va, on va peser, par exemple, la masse des artefacts. Genre qu'on a tellement confiance dans notre connaissance de la nature qu'on a changé complètement de paradigme. Mais cela reste quand même assez spectaculaire. Oui, Nadine Courtois. Oui, ce qu'on peut dire, justement, pour préciser, enfin, ou revenir sur ce qui a été dit, c'est que la réforme du système international opère un renversement radical dans la manière de construire notre système, puisque auparavant justement on commençait par des unités définies à partir d'artefacts. Estefania de Mirandès vient de parler justement du kilogramme, donc de l'IP, ce qu'on appelle l'IPK, cet objet donc qu'elle pourra nous décrire peut-être, parce que il est effectivement, il a l'air d'être un objet un peu sacré, mais encore pas pour longtemps. Donc on commençait à définir ces unités de base en choisissant des grandeurs de référence par un choix d'artefacts de même nature que ces grandeurs et directement évidemment accessibles à l'expérience humaine. Et à partir de là, on établissait, une fois qu'on avait ce système d'unités, on établissait des lois empiriques par des mesures. Et donc effectivement, c'est là qu'on fait apparaître dans ces lois empiriques, ces fameuses constantes. Et en fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est commencer par la fin. Maintenant qu'on est plus ou moins confiant dans nos lois de la nature, eh bien, on fait le même trajet en sens inverse. On part de ces lois de la nature. Et on définit à partir de ces lois de la nature les unités de base. Parce que on peut peut-être rappeler que justement pour parler de cet ancêtre qui est le quilon, que le quilon étalot, le grand K comme on l'appelle, que vous avez décrit, qui est fait en platine, en iridium, c'est ça? C'est ça, platine iridium. Voilà, iridium, juste pour dire un mot. En fait, on s'est rendu compte, parce qu'il a été, coulé, il a été moulé. Il y a plusieurs copies. L'original est conservé à Sèvres, mais il y a plusieurs copies qui ont été réparties dans différents pays tout autour de la planète. Et on s'est rendu compte que, eh bien, il variait de 50 microgrammes par centaine d'années. C'est ça, à peu près. Ce qui paraît peu comme ça à l'échelle macroscopique pour nous, mais imaginez quand ensuite c'est le mètre étalon pour définir le poids d'un noyau atomique, et bien évidemment 50 microgrammes c'est une quantité énorme, c'est une variation qui n'est pas tolérable pour la physique contemporaine. Oui, donc en fait le kilogramme. Donc le kilogramme aujourd'hui, comme vous avez bien rappelé, donc c'est l'unité de masse. Il est défini comme la masse de ce prototype international du kilogramme, qui est un cylindre en platine iridée qu'on garde nous à Sèvres. Et donc en fait lui-même dans le caveau, il est gardé sous trois cloches. Initialement sous vide, mais pas maintenant. Donc maintenant il n'est pas sous vide. Et c'est gardé dans un caveau avec trois clés, sous trois clés. Donc chaque clé, c'est possédé par une personne différente. Donc avoir accès à ce kilogramme, c'est toute une cérémonie. Il faut avoir une autorisation spéciale. Essentiellement, on le sort une fois tous les 50 ans, pas plus. Et en fait, il est gardé lui-même avec six copies. Donc il y a d'un côté les copies que vous avez dit, c'est-à-dire que tous les pays de la Convention du Maître membres ont un étalon identique au prototype international, mais nous aussi, à l'intérieur du caveau, donc stocké avec lui, il y a déjà six copies. Donc, à total, nous avons sept étalons. Et donc, ce qui se passe, donc à peu près tous les 50 ans, on sort autant le prototype international comme les copies, disons, du caveau, qui sont stockées avec sous les mêmes conditions, et on va faire une comparaison de masse. Donc, on va mesurer leur différence de masse dans le temps. Et cela, donc, on l'a fait en 1946, en 1993, et en 2014. Et donc, on a uniquement accès à la différence de masse entre le prototype et les copies. Puisque le grand K, il fait toujours un kilo, par définition, puisque c'est l'étalon. Oui, exactement. On n'a pas moyen de le comparer à rien d'autre. Donc, en ce faisant, si on regarde ça, on pourrait dire que IPK varie un tout petit peu par rapport à la moyenne des copies, sans pour autant pouvoir vous assurer que c'est vraiment lui qui varie. Parce que nous, on n'a pas accès à la masse. On ne peut pas le comparer aux masses atomiques. On ne pouvait pas par le passé. Mmh. Aujourd'hui, on va pouvoir. Donc, à partir de maintenant, on va connaître le vrai poids d'IPK. Exactement. On va pouvoir voir surtout comment il varie. On aura un point maintenant. Après, il faudra le suivre dans le temps. Donc, essentiellement, par le passé, oui. Si on croit à ces mesures et on se dit que IPK, et on va le comparer à la moyenne des copies avec lesquelles il est stocké, effectivement, on peut dire qu'il a perdu un tout petit peu de masse jusqu'en 93. De 93 à aujourd'hui, les comparaisons montrent qu'il est stable par rapport aux copies. Donc, on croit qu'il est stable. En 93, on a eu un changement des conditions du caveau. Donc, ça laisse imaginer que c'est possible que IPK est stable. Et effectivement, ce que vous dites, donc peut-être 50 microgrammes en 100 ans semble beaucoup, mais il n'y a aucune mesure actuelle de la science qui est affectée par ça. Ça, c'est une chose. Et deuxième, c'est que tous les kilogrammes du monde entier sont étalonnés par rapport à IPK. Ça veut dire que quand vous faites quand, pour le commerce, tout ce qui compte, c'est que la France a le même kilogramme que le Japon. Mais même si ces kilogrammes bougeaient tous les deux un petit peu, en fait, en pratique, ça n'affecte personne. Donc, la raison fondamentale pour laquelle on va changer le kilogramme, je dirais que ce n'est pas parce que ce qu'on a aujourd'hui n'est pas satisfaisant. On pourrait continuer des décennies d'un point de vue d'incertitude, mais c'est par principe. C'est parce qu'on peut. Par principe. Parce qu'on sait faire mieux. Ouais. On peut faire mieux et ce n'est pas philosophiquement, on va dire, agréable d'avoir un étalon qui est basé dans un artefact matériel, qui peut se casser, qui peut se rayer, qui est accessible uniquement à un endroit spécifique qui est Sèvres. Donc, toutes ces raisons-là, évidemment, nous ont poussé depuis très longtemps, tous les chercheurs, à trouver une alternative. Et cette alternative a été trouvée par via la constante de Planck. Il y a eu plusieurs possibilités. Donc, la masse, fixer la masse d'un atome, fixer la constante d'Avogadro pour le kilogramme ou fixer la constante de Planck. Et pour diverses raisons. Donc, ça, la constante de Planck justement a été choisie. Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement le processus de sélection scientifique qui va aboutir au choix de la constante pour les différentes unités. Pourquoi est-ce que pour le kilogramme, d'ailleurs, on a choisi Planck et pas les autres? Voilà. Donc, et Stéphanie Mirandès. En particulier pour le kilogramme, les raisons qui nous ont amené à choisir la constante de Planck ne sont pas directement liées au kilogramme, mais sont liées aux unités électriques. Donc, pour faire un petit rappel, donc les unités électriques, où nous avons la définition de l'ampère aujourd'hui, qui est une définition extrêmement compliquée. Si aujourd'hui vous voulez réaliser l'ampère, il vous faut deux fils, de longueur infinie, de sections circulaires négligeables. C'est un étalon expérimental. Compliqué. Et donc, ce qui s'est passé en pratique, c'est que les métrologues qui travaillent dans le domaine électrique ne réalisent pas l'ampère par la définition, parce que cela résulte beaucoup trop compliqué. Ils se sont trouvés, disons, une autre façon de réaliser les unités électriques en passant par des effets quantiques électriques, donc notamment l'effet Josephson et l'effet Hall quantique, qu'on peut expliquer si vous souhaitez. Et on commençait quelque part à avoir des unités parallèles au système international, en dehors du système international. Et donc, un des soucis de cette réforme très fort, c'était de ramener les électriciens à nouveau dans l'ESI. Pour ce faire, vu que les effets qu'eux, ils utilisent les constantes de Planck et la charge élémentaire, donc l'effet Josephson et l'effet Hall quantique, c'est les effets qu'ils utilisent aujourd'hui, les électriciens, pour définir ces unités pratiques, on va dire, qu'ils utilisent en dehors du SI, la façon qu'on avait de les ramener, c'était justement de fixer la constante de Planck et fixer la charge élémentaire. Donc, en fait, on a choisi cette constante pour pouvoir ramener les unités électriques à l'intérieur, mais comme la constante de Planck a des unités de kilogrammes à l'intérieur, donc cela on va l'utiliser pour fixer le kilogramme, on va dire. Mais l'ESI, c'est une grande aventure, donc on regarde pas uniquement unité par unité, mais on regarde, on va dire, une cohérence globale du système. Donc ça, c'était la raison, parce que c'est une raison pour les métrologues de masse directement, ça n'aurait pas forcément été le choix premier de fixer la constante de Planck. Peut-être qu'ils auraient préféré fixer la masse du carbone 12, la masse de l'électron. Mais vu qu'il fallait tenir compte aussi des unités électriques, donc à la fin, on a choisi la constante de Planck. Franck Gadinos. Voilà pour le principe, mais les exigences en métrologie sont telles pour redéfinir une unité que pour réaliser ce programme, si je puis dire, ça a pris, je crois, plus de 30 ans. Et une collaboration internationale inédite, inouïe, de tous les grands laboratoires de métrologie internationaux, les Américains, les Canadiens, les Français aussi, les Japonais, les Allemands. Donc effectivement, il y a eu un effort très soutenu. Je crois qu'il a duré les premières tentatives. Vous pouvez expliquer cette balance du Watt ou de Keble. Donc c'est les premières réalisations visant à mesurer cette constante de Planck et à pouvoir redéfinir du coup le kilogramme par rapport à cette constante. Donc ça a pris énormément de temps. Oui. C'est Madame Mirandès. Effectivement, parce que en fait, a priori, on pourrait prendre la constante de Planck et la fixer à n'importe quelle valeur, en théorie. Mais qu'est-ce qui se passerait si on faisait ça? C'est qu'alors la taille du kilogramme changerait. Donc tout le souci qu'on a eu, c'est pour garder la même taille de kilogramme qu'on a aujourd'hui, il nous fallait mesurer la constante de Planck de façon très très très très très précise par rapport à IPK. Donc en fait, tout ce temps-là qu'on a mis, c'est justement le temps qui a été nécessaire pour pouvoir mesurer la constante de Planck, ce que nous dit à 10-8, avec une précision de 10-8, par rapport à IPK. Et c'est pas uniquement faire une mesure une fois, c'est aussi faire une mesure à beaucoup d'endroits, donc faites par beaucoup de balances de Watt, de Keble, comme vous dites, et aussi des projets des sphères en silicium, si on peut rentrer dans la question. Donc il faut qu'il y en a beaucoup dans le monde entier et qu'ils soient en accord. Mais c'est surtout pour préserver la continuité de la taille de l'unité. C'est ça la raison. Et pour parler peut-être justement, revenir sur cet aspect international, on peut se poser la question de savoir comment est fixée la valeur hein, de la constante de Planck, mais aussi de la constante de Boltzmann, voilà, etc., qui interviennent donc dans les redéfinitions. Et en fait, il faut mettre en avant le rôle d'une institution internationale qui est le CODATA, qui a pour charge justement de calculer les meilleures estimations possibles pour ces constantes à partir des expériences qui sont faites dans les meilleurs laboratoires du monde, qui fournissent soit directement des valeurs de la constante de Planck à partir de la mesure faite sur les balances de Keeble, ou bien d'autres mesures. En deux mots, juste pour les auditeurs, les balances, oui, de Keeble, ce sont des balances très très sophistiquées qui permettent d'équilibrer donc des masses avec des forces électromagnétiques. Tout à fait. Ouais. Mais il y a d'autres moyens d'obtenir cette constante de Planck, en fait. Il y a donc les expériences de la sphère de silicium, donc compter le nombre d'atomes dans une sphère parfaite. De 10 cm de diamètre. Voilà, donc de silicium. Mais vous avez aussi d'autres mesures spectroscopiques, recul des électrons, recul des atomes, etc. Et donc, en fait, chacune de ces méthodes va fournir, eh bien, une valeur. Mais ces valeurs ne sont pas forcément compatibles. Et c'est ça le casse-tête que doit résoudre le CODATA, qui est de mettre en harmonie toutes ces valeurs, de trouver le meilleur compromis. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'elle le fait en imposant les lois et les théories nos meilleures théories dans lesquelles nous avons confiance, elle les impose et elle ajuste les constantes, elle trouve le meilleur compromis de la valeur de ces constantes en les ajustant pour qu'elles satisfassent, parce que toutes les constantes sont liées entre elles par des relations, hein, et donc en faisant en sorte qu'elles satisfassent nos relations théoriques. Et pour ce faire, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est que ça va permettre aux usagers derrière, lorsqu'ils vont utiliser ces valeurs de constantes, parce que c'est la manière dont on calcule toutes les constantes qui interviennent dans toutes les tables utilisées par tous les physiciens et tous les écoliers de par le monde, les différents agents humains, lorsqu'ils vont faire des mesures, soit industrielles, soit scientifiques, ils vont utiliser des chemins différents, des méthodes de mesure différentes, et ils pourront donc coopérer entre eux, être en accord, hein, leurs résultats pourront être en accord grâce à ce dispositif. Et Stéphanie Mirandès. Oui, et quelque chose que je trouve très intéressant de cette redéfinition, de cette façon de définir, c'est qu'aujourd'hui, la définition et la réalisation sont intrinsèquement liées. Par exemple, cas emblématique avec le prototype international, la définition, c'est la réalisation. La réalisation, c'est-à-dire que si je veux avoir accès à un kilogramme, je dois nécessairement faire appel à IPK. Dans l'avenir, si simplement ce qu'on fait, c'est fixer la valeur de la constante de Planck et la vitesse de la lumière et les autres constantes, en ce faisant, j'ai défini le kilogramme, mais je ne vous ai pas dit comment faire pour avoir un kilogramme. C'est-à-dire que la recette pour fabriquer un kilogramme n'est pas comprise dans la définition. Mmh. C'est-à-dire une séparation de la définition et de la réalisation, des instructions pour fabriquer un kilogramme. Et cela est génial, parce que ça ouvre justement la voie à tout un tas de réalisations possibles pour maintenant et pour l'avenir. Donc ça fait penser que ça sera la pérennité de ce système devrait être bien meilleure que celle du passé à cause justement de cette séparation. Moi, j'ai une question intéressante, c'est celle du degré de précision. Hein. Donc toutes ces redéfinitions permettent d'aboutir à des degrés de précision qui sont bien plus importants et vraiment statistiquement plus important, mais néanmoins il y a des grands écarts entre le degré de précision aujourd'hui d'une calcul de la seconde où on est à des indécisions de l'ordre de 10-18 et on sait que c'est important par exemple quand on fait 10-16 la seconde, la précision c'est 10-18 pour le mètre et 10-16 pour la seconde, mais on sait que c'est très important quand on fait des... Le second, c'est 10-16, la définition. Pour la seconde, mais il y a des horloges qui font un peu mieux. L'objectif, mais c'est d'arriver d'ici 10-15 ans à 10-18. Voilà, c'est ça. Parce que, notamment, on sait pour les expériences de gravitation quantique, on a besoin d'avoir une extrême précision pour pouvoir voir éventuellement, notamment bon, sur des expériences dont on a déjà parlé ici. Quelle est l'échelle de précision qu'on va obtenir pour la nouvelle définition du kilogramme, c'est-à-dire Mirandès? Nous avons été capables aujourd'hui de mesurer la constante de Planck à 10-8. Ce qui, évidemment, par rapport à ce que vous êtes en train de mentionner, ça aurait l'air. Mais il faut quand même considérer, en tout cas, les expériences qui servent à mesurer la constante de Planck. C'est quand même des dispositifs mécaniques. Il faut bouger des masses, bouger des bobines. Et cela, l'avantage que vous avez quand vous mesurez la seconde, c'est que vous utilisez des horloges atomiques où quelque part, il n'y a pas de friction. C'est très facile, entre guillemets. Mais nous, les expériences mécaniques, qui sont balance de Watt, nécessairement, quand on fait bouger des objets macroscopiques et il faut mesurer ça avec un degré de précision, on est tout de suite limité. Donc ça, c'est la limitation qu'on a eue pour mesurer la constante de Planck, 10-8. Mais maintenant, on va la fixer complètement. C'est-à-dire que l'incertitude que vous aurez après la conférence générale, on va dire, sur la constante de Planck, va être zéro. Elle va être fixée avec un degré de précision maximum. Et cette incertitude de 10-8 va passer au prototype international du kilogramme. C'est-à-dire qu'elle va être l'IPK, qui, à partir de la redéfinition, il va gagner ce 10-8. Mais si après nous trouvons d'autres dispositifs capables de mesurer la masse plus précisément, la définition elle-même ne vous limite pas. Donc vous pouvez aller au-delà. La définition, la constante est fixée complètement. Et c'était un aspect aussi de cette laïcisation dont on parlait au début. C'est que précisément auparavant, et peut-être ce serait bien d'en parler, ces questions de traçabilité qui permettent aux usagers d'être en accord. Et les modalités de cette traçabilité et de cette mise en accord des agents vont complètement changer. Auparavant, c'était donc une hiérarchie qui partait de l'étalon primaire qui était la réalisation de la définition, hein, ou bien qui était l'artefact, comme dans le cas de l'IPK du kilogramme. Et puis ensuite, on construisait des étalons secondaires de travail, etc., qui permettaient aux usagers d'étalonner leurs instruments. Alors que maintenant, avec, comme l'expliquait Estefania de Mirandès, du moment que vous êtes dans un laboratoire qui a les capacités scientifiques et techniques suffisantes, vous pouvez vous-même réaliser par la méthode que vous souhaitez votre étalon. Évidemment, ça n'est pas la fin de l'histoire, parce que encore faut-il faire des comparaisons interlaboratoires pour que cet étalon soit légitimé. Mais vous voyez qu'on n'est plus dans une verticalité, on est dans une horizontalité un peu plus démocratique. Hein, cette réforme. La laïcisation, la démocratisation de ce système international de mesure. Un mot pour conclure, Estefania de Mirandès. Donc 4 unités, et on va aboutir à quelque chose de cohérent, à un système de définition cohérent. Pour autant, ça n'est pas du tout la fin de la révision de ces unités de mesure. On peut arriver. On pense d'ailleurs, on réfléchit déjà à changer la définition de la seconde à 2025 pour aboutir justement, pour gagner pour passer de 10-16 à 10^-18. Exactement. De précision. Exactement. Dans la seconde, en fait, on a une constante fondamentale aujourd'hui, mais pas si fondamentale que la vitesse de la lumière, que la constante de Planck. Donc ça reste une constante c'est une propriété d'un atome. Aujourd'hui, c'est l'atome de cesium 133. Donc on a trouvé, disons, notre transition, dans ce cas-là optique, avec une majeure précision. Donc on va changer probablement de transition d'atome. Et pour ça, ça va se faire probablement des alentours 2026-2030. Et ça montre justement le fait que si on avait trouvé une constante vraiment, vraiment fondamentale et on avait été capable de la mesurer précisément, probablement ce changement ne serait pas nécessaire. Mais du fait qu'on est encore avec le cesium, parce que c'est le mieux qu'on sait mesurer, nécessairement, on va devoir redéfinir, revoir ça en 2030. Eh bien, écoutez, on se donnera rendez-vous en 2030. En tout cas, d'ici là, vendredi, vous allez voter pour redéfinir ces 4 unités. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus. Merci beaucoup, Estefania de Mirandès. Bonne conférence. Merci, Nadine de Courtenay. Merci beaucoup, Franck Daninos. On retrouve votre article, le dossier dans Science et Avenir du mois, le Big Bang des unités de mesure. La couverture du Science et Avenir de ce mois-ci, c'est les magnétismes de la Terre et le Big Data au service de la santé. Et puis un mot pour vous dire que je vous parlais de l'excellente revue Relief hier, mais je suis parti de mon bureau un peu vite en prenant le dernier numéro, en pensant que c'était le dernier numéro qui était consacré au ciel. Pas du tout, le dernier numéro c'est le numéro 8 et il est consacré à la montagne et au sommet. Donc on va vous remettre le bon lien également sur le fil Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Mathieu Lefrançois, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Tobin Denstock, Olivier Bétard à la réalisation et Amine El-Mansari à la technique. Dans les prochains épisodes de la méthode scientifique, demain, eh bien on va fermer les yeux et on va écouter, parce qu'on va essayer de vous expliquer tout ce que nous savons aujourd'hui sur la lumière bleue, sur son influence sur les yeux et sur notre système nerveux. Et puis si vous ne l'avez toujours pas noté, n'oubliez pas que vendredi, c'est une émission un peu spéciale qui vous attend. On retrouvera le camarade Olivier Lascar de Science et Avenir et tous vos chroniqueurs préférés de vendredi pour fêter dignement ce qui sera le 500e numéro de la méthode scientifique. Voilà, notez-le dans vos agendas. D'ici là, on se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.